Côté passager, mon pote pilote la choupette. Calmer la fumette, cerveau scotché à l'appui tête. Que ça cherche des plans, personne n'est architecte. Mets les gants, casque roof, bécane à vitesse. Nos vies c'est réel, c'est pas un clip à tout chance. Fonce dans un club, même le plus gros voyou fait sa petite dance. On se vide la tête avec bouteille à un point. On a conscience que chaque péché a un point. On a rien à perdre, tout à prendre, c'est bénef. Pour aider son prochain, tu sais bien qu'ici ça chaîne neuf. Jeune leur rendre celle bête, écoutez même à Genève. Range ton couteau suisse devant l'équipe d'HLF. On cherche le liquide, tu peux ranger ton chéquier. Maman a pris des rites fatigué par les huissiers. Chante pas ma peine mais ma détermination. Je suis pas là pour faire chef, on est des mauvais garçons. Donnez une autre chance, on a des bâtiments sombres. Plus fort dans la lumière quand t'as tout bâti dans l'ombre. On a passé l'hiver à vouloir refaire le monde. Puff dans vaisseau sanguinaire, je vous annonce. Papa m'a dit faut que tu frappes fort pour les assommer. Y'a même répété la fierté de la zone. Petit gangster, besoin d'air, mort de zone. Bénéfice d'aide, mise à tête pour des lobes. La Tessie m'a dit ta dette ça, respect. Et pour ceux qui ne suivent pas, restez. Je fais mes dièges, je compte pas, restez. Mais si tu comptes sur moi, restez. La Tessie m'a dit ta dette ça, respect. Et pour ceux qui ne suivent pas, restez. Je fais mes dièges et je ne compte pas, restez. Mais si tu comptes sur moi, restez. C'est pas ton gros cul qui va me faire dire bébé je t'aime. Je vis de mon cœur sur un 120 BPM. Je sais qui je suis et je sais avec qui je traîne. Tout va vite mais ça ralentit, te finira freine. Je suis dans l'anonymat, sois Madonna Ima. Mon chemin n'est pas droit, faut que je me rapproche d'un imam. J'ai fait du bien mais on se souvient que du mal. Montrer des litrons de peuf, ça fait monter l'audimat. J'ai tendu le bras, tu m'as coupé jusqu'à l'épaule. Qui frère essaye d'avoir le bac, je regrette d'avoir quitté l'école. Nique la race humaine et vive la race à Snoopy. Ça peut se recoudre l'hymen et faire la meuf touche guide. Bénéfice net, t'auras la plus belle Oli. Foncez dans l'audi que de la peuf en olive. Même en gros, puis t'auras un missile au risque. Si la vie est courte, rien ne sert de courir. Niquer des mères seules dans un navire. Si tes yaks sont pleines, ton frigo ça pas vide. Le mal par le mal, y'a que ça qui attire. Le mal par le mal, y'a que ça qui attire. Papa m'a dit faut que tu frappes fort pour les assommer. Y'a même répété la fierté de la somme. Petit gangster, besoin d'air, mort de zone. Bénéfice net, vis à tête pour des lobes. La Tessie m'a dit ta dette ça, respect. Et pour ceux qui ne suivent pas, restez. Je fais mes dièges, je compte pas, restez. Mais si tu comptes sur moi, respect. La Tessie m'a dit ta dette ça, respect. Et pour ceux qui ne suivent pas, restez. Je fais mes dièges et je ne compte pas, restez. Mais si tu comptes sur moi, restez. Dead Saw.